Le carreau cassé par Jules Girardin. Pendant la classe du matin, la neige se mit à tomber. Tous les garçons de l'école tournaient fréquemment la tête du côté de la fenêtre, avec une prudence toutefois, car monsieur l'instituteur n'aime pas que l'on soit distrait. Moi, je faisais comme les autres. C'est si amusant de voir tomber la neige quand on est renfermé quelque part et que l'on commence à s'ennuyer un tout petit peu. Le poêle ronflait comme un orgue. Monsieur l'instituteur expliquait quelque chose que je ne comprenais pas très bien, parce que je pensais à cette neige qui tombait si dru et que j'étais en train de me demander si elle fondait en tombant ou si elle restait sur la terre. Tout à coup, j'entendis comme le bruit d'une lutte sous la table. Tipfel et Rodier échangeaient des coups de pied. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que Rodier avait commencé et que Tipfel ripostait. C'est Tipfel que monsieur l'instituteur remarqua en tournant la tête, et c'est lui qu'il punit. Tipfel, en signe de mécontentement, mit son coude sur la table, sa joue contre le plat de sa main et remua la tête de haut en bas à plusieurs reprises. Ensuite, je l'entendis qui disait tout bas à Rodier : Tu me le paieras. La classe finie, nous nous bousculions à qui sortirait le premier. Mais monsieur l'instituteur fit signe avec sa main qu'il avait quelque chose à nous dire. « Rappelez-vous, dit-il, que monsieur le maire a défendu les batailles à coups de boules de neige. Le premier qui se ferait prendre à lancer des boules aurait affaire à moi, sans compter que monsieur le commissaire de police ne rit pas tous les jours. Cela pourrait aller loin, cela pourrait aller très loin. » Les garçons les plus rapprochés de monsieur l'instituteur remuèrent la tête, comme pour dire « compris ». Nous n'avions pas envie d'avoir les oreilles tirées par l'agent de police. Merci bien. Bon, nous sortons donc en reprenant la bousculade au point où nous l'avons laissée et en criant un peu, mais pas encore trop fort, parce que monsieur l'instituteur était là, debout sur le seuil de la porte, à nous regarder partir, tout en se frottant les mains, car il faisait grand froid. Quelques-uns des garçons se mettent bientôt à courir comme des fous, à travers la neige, où ils en font jusqu'à la moitié du mollet. Cela, ce n'était pas défendu. Il n'est pas défendu non plus de faire son portrait en s'étendant tout de son long dans la neige. Je vois encore d'ici Rodier vautrer un endroit où la neige était haute d'un pied. On ne l'apercevait presque plus. Tipfel arrive sur lui, prend une vraie brassée de neige, lui en couvre la tête, le cou et les épaules et se le met à peser dessus. L'autre trépignait comme une personne qui étouffe. Enfin, il put se relever, s'ébrouant comme un cheval enrhumé, se secouant comme un caniche qui sort du bain et tout rouge de colère. La neige qui lui fondait dans le cou lui faisait faire des mines à mourir de rire. Aussi, tout le monde riait. Tipfel se cachait derrière les autres pour le faire chercher. « Je sais qui a fait cela !» hurlait Rodier aussitôt qu'il fut en état de parler. Tipfel, si tu n'es pas un lâche, avance un peu. Il fallait que Rodier fût bien en colère pour dire cela, car c'était un poltron. Tipfel joua des coudes pour se faire un passage et vint se camper en face de Rodier, les bras croisés sur la poitrine, la figure en avant. Tout le monde vit bien que Rodier avait peur. Il ne recommença à faire le fanfaron que quand il sentit que les camarades le retenaient en criant « Pas de bataille !»« Je veux me battre, laissez-moi !» « Non, non, pas de bataille. Mets-lui de la neige dans le cou si tu peux. Cela, c'est de jeu, mais pas de bataille. » Rodier haussa les épaules et fit mine de s'en aller. Puis, quand il crut que Tipfel ne pensait plus à lui, il se baissa brusquement, pétrit une bonne savonnette et courut sur Tipfel pour la lui mettre dans le cou. Oui, mais Tipfel était sur ses gardes. Lui aussi, il avait une belle savonnette et il cria d'un ton de bonne humeur. « Voyons qui fera la barbe à l'autre !»« Attrape !» cria Rodier. Il lui lança sa boule de neige en pleine figure, après quoi il se sauva. Tipfel riposta sans songer à la défense de monsieur le maire. Les huées des camarades arrêtèrent Rodier dans sa fuite et le forcèrent à soutenir le combat puisqu'il l'avait engagé. « Les boules volent, volent, l'une n'attend pas l'autre. Comme je regardais pour voir à qui resterait le champ de bataille, une idée me vint tout à coup. « Qu'est-ce que tu fais là? Si monsieur l'agent de police arrive, tu seras pris comme les autres. »« Qui sait si monsieur le commissaire de police voudra croire que tu ne te battais pas comme eux. Tu sais le proverbe. Pris avec Jean, pendu avec Jean. Là-dessus, je détale en courant si fort que mon bissac me tapait à grands coups dans le dos. Une fois sous le porche de notre maison, je m'arrête, le doigt sur le loquet de la porte, et je recommence à regarder, tout prêt à rentrer chez nous à la moindre alerte. Rodier et Tipfel sont enragés. Dieu, que c'est amusant à regarder un combat à coups de boule de neige. Les deux mains me démangent, pour un rien je me mettrai de la partie. Bing ! J'entends un bruit sec. Une boule de neige vient de s'aplatir sur un carreau de vitre. Où donc ? Je regarde. C'est à la fenêtre de la mère Jäger. Voilà que cela se gâte. J'entrouvre la porte. Qu'est-ce qui va se passer ? Mon père, qui a tout vu de sa fenêtre, tire la porte et me dit « Tu n'en es pas, j'espère. » « Oh non, je n'en suis pas. Je n'ose pas lui avouer que j'ai bien failli en être. » « Regardons, dit-il, la fin de tout cela. » Moi qui ne rentrais qu'à regret et seulement pour faire le bon apôtre, je reviens bien vite sur mes pas et je dis « Regardons. » À ma grande surprise, Tipfel, après avoir hésité un instant, court droit à la maison de la mère Jäger. Cela me confond de voir un garçon si avisé à aller se jeter, comme on dit, dans la gueule du loup. Il se courbe en courant pour n'être point vu de l'intérieur et par une manœuvre audacieuse va se blottir, l'échine pliée en deux, sous la grande planche qui sert de rebord extérieur à la fenêtre. Rodier a tourné plus à droite et s'est caché dans l'enfoncement de la porte. Un des vasistas s'ouvre brusquement. La mère Jäger apparaît, une cuillère à la main. On l'a dérangée pendant qu'elle faisait sa cuisine. Elle regarde à droite, personne. Elle regarde à gauche, personne. « Attends, attends, vaurien !» s'écrie-t-elle. « Je t'ai bien vu tourner le coin, là-bas, du côté de l'église. » Tipfel, étouffé de rire sous sa planche, rien qu'en allongeant le bras, la mère Jäger aurait pu le toucher. Rodier faisait de gros yeux hébétés. Il avait peur, comme toujours. Et moi ? Oh, moi, je n'en pouvais plus. Chose étonnante, en regardant mon père à la dérobée, je vis qu'il souriait. Oui, mais voilà M. Baumgarten, l'agent de police, qui arrive tout doucement le long des maisons. La neige étouffe le bruit de ses grosses bottes, où il a fourré le bas de son pantalon. Il a tout vu, caché derrière un des piliers de la halle. Il n'est plus tout jeune, M. Baumgarten. De plus, il est devenu très gros et s'essouffle quand il court. Mais aujourd'hui, il ne court pas, il se glisse et tombe brusquement sur Rodier comme un chat sur une souris. Il l'attrape lestement par l'oreille, le fait sauter de son coin et avant que Tipfel se doute de ce qui se passe, il pousse lui-même un cri de douleur. Son oreille est solidement emprisonnée comme par une paire de tenailles. « Voilà votre gibier, dit monsieur l'agent de police à la mère Jäger. Je crois que cela vous surprend de le trouver si près quand vous le cherchez si loin. » Ah, la bonne farce! Il se mit à rire, et il y avait de quoi. Je n'ai jamais vu de figure si ébahie que celle de la mère Jäger. En route, dit M. Baumgarten à ses deux prisonniers. Nous nous expliquerons devant M. le commissaire. Oh! S'écria la mère Jäger, qui venait seulement de reconnaître les coupables. Oh! Faut-il que tu sois un de ces deux-là, Tipfel? Je n'aurais jamais cru cela de toi. Non, je ne l'aurais jamais cru. Elle referma vivement son vasistas et reparut bientôt à la porte. En la voyant venir, Rodier se mit à crier comme un blaireau. Il s'attendait sans doute à être écorché vif. Tipfel baissa la tête et devint cramoisi de honte. « Oh, comme ils ont les oreilles rouges » dit-elle quand elle les eut vues de près. « Vous avez encore la main solide, monsieur Baumgarten, sans vous faire de compliments. Allons, les voilà assez punis pour cette fois. Laissez-les aller. » Leurs parents sont de si braves gens. Et le carreau, dit M. Baumgarten en secouant la tête d'un air profond, qu'est-ce qui le paiera, le carreau? Leurs parents ont de la peine à vivre. Bon, ne parlons plus de tout cela. Mais vous n'êtes pas riche non plus, mère Jäger, reprit l'agent de police. Laissez-les aller pour cette fois. Involontairement, elle jeta sur le carreau cassé un regard qui me fit de la peine. Je ne riais plus du tout, et je trouvais à la mère Jäger la figure d'une bien bonne femme, malgré la dureté de son regard et la brusquerie de ses manières. Et la défense de monsieur le maire, dit l'agent de police d'un air embarrassé. Partagé entre son bon cœur, qui lui conseille de faire plaisir à la mère Jäger, et le sentiment du devoir qui lui enjoignait de les conduire au commissaire, il restait au milieu de la rue, ne sachant que faire. « Amenez-les-moi, » dit mon père. Comme il était conseiller municipal et qu'il avait la réputation d'un homme juste et sensé, M. Baumgarten lui amena mes deux camarades, à qui la douleur faisait faire de bien piteuses grimaces. Quant à l'agent, il souriait. On voyait qu'il était très heureux de se décharger de sa responsabilité sur un conseiller municipal. « Ma foi, » dit-il, « les voilà, je vous les laisse. » Et il partit, après avoir fort honnêtement porté la main à sa casquette. « Entrez là-dedans, » dit mon père en introduisant ses prisonniers dans la salle basse. Alors il se mit à se promener de long en large, en réfléchissant profondément, les mains derrière le dos. Rodier pleurnichait en regardant le fond de son bonnet de laine. Tipfel ne quittait pas mon père des yeux. Je n'ai jamais vu une figure aussi franche, avec des yeux aussi intelligents. Quant à moi, je me disais comme un véritable égoïste. Est-ce heureux tout de même que tu ne sois pas à leur place ? À la fin, mon père s'arrêta devant nous. J'avoue, dit-il, que c'était très drôle de voir la mère Jäger vous chercher d'un côté pendant que vous étiez de l'autre. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Cela me rappelait le bon vieux temps où j'allais à l'école. Mais cela ne m'a pas paru si drôle quand j'ai pensé que ce jeu-là pouvait faire de la peine à la bonne femme. Pauvre mère Jäger! Que d'ennuis et de tracas à son âge. Son gendre et sa fille morts dans la même année, deux petits enfants élevés, dont l'un bien difficile à cause de ses dents. Elle passe bien des nuits blanches et elle vit dans les transes avec ce petit qui d'un moment à l'autre peut avoir des convulsions. Il suffit de rien pour le faire pleurer pendant des heures. Le bruit du vent, le grincement d'une porte, une boule de neige dans un carreau. Et alors voilà la mère Jäger au désespoir. Et dans ces cas-là, on pourrait croire qu'elle a le caractère difficile. Non, non, ne croyez pas cela. Je la connais, moi, c'est ma voisine. Rodier continue à pleurnicher. Tipfel dit à mon père d'une voix émue qu'il n'avait point pensé à tout cela et que d'ailleurs ce n'était pas par méchanceté, mais par maladresse qu'ils avaient cassé le carreau. J'aurais embrassé Tipfel pour sa générosité. C'était Rodier qui avait lancé la boule. Je l'avais vu de mes yeux. Au lieu de se justifier d'un mot, Tipfel acceptait sa part de la faute. « Ce que tu me dis là, » reprit mon père en s'adressant à Tipfel, « me fait grand plaisir. Car la mère Jäger s'est montrée bonne chrétienne envers vous. Elle a prié Baumgarten de vous laisser aller. J'ai même remarqué que, dans son empressement à vous secourir, elle est venue jusqu'au milieu de la rue, en pleine neige, avec des chaussons de lisière. Une pauvre femme de son âge. S'exposer à attraper une fluxion de poitrine ou de rhumatisme. « Monsieur Rebstock, » dit Tipfel, « ne pourriez-vous pas dire à la mère Jäger que je lui suis... que nous lui sommes bien reconnaissants, que nous avons bien du chagrin. Nous n'oserions jamais y aller nous-mêmes. « Pourquoi pas, mon garçon, » reprit mon père, en lui posant la main sur l'épaule et en le regardant bien en face. « Eh bien, ma foi, » s'écria Tipfel d'un ton résolu, j'aime autant ne pas garder ce chagrin sur le cœur. Allons-y, Rodier. Pas si vite, dit mon père. Toute chose pour être bien faite doit être faite à son heure. Le chagrin que vous avez causé, sans le vouloir, à cette bonne créature n'est peut-être pas encore passé. Elle vous a pardonné tout de suite. Laissez-lui le temps d'oublier un peu. Nous reparlerons de cela. Attendons quelques jours, afin qu'elle vous reçoive de bonne amitié. Pendant que nous causons entre amis de nos petites affaires, il y a autre chose que je voudrais vous dire. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de payer ce carreau? Il doit valoir 12 sous. C'est une somme énorme que 12 sous pour une pauvre vieille veuve ruinée qui élève 2 petits-enfants. Rodier recommença à gémir, et Tipfel lui-même perdit contenance. Les parents de Tipfel et de Rodier étaient de pauvres journaliers. Mon père avait recommencé à se promener de long en large. Comme il passait près de moi, je lui dis tout bas, « J'ai de l'argent, moi. Est-ce que je ne pourrais pas ?»« Tais-toi, » me dit-il. « Tu es un bon garçon, mais laisse-moi faire. » Il reprit tout haut en s'adressant à Tipfel. « À quoi emploieras-tu la journée de jeudi prochain ?»« J'irai faire des glissades avec les autres. » »« C'est dommage que ta journée soit prise. Mais à ton âge, il faut bien que l'on s'amuse un peu, c'est tout naturel. » Cependant, je le répète, Je regrette que tu ne sois pas libre, je t'aurais proposé quelque chose qui t'aurait fait plaisir. » Tipfel fixait sur mon père ses regards pleins d'intelligence. Il semblait deviner d'avance quelque chose que moi, je ne devinais pas du tout. Après cela, ce n'est pas étonnant, il était toujours avant moi dans toutes les compositions. Il reprit d'un ton sérieux. « Dites toujours, monsieur Rebstock. » « En ce moment, dit mon père, j'ai besoin de pommes de pain et je donnerai bien 12 sous à celui qui m'en irait chercher un sac chez le garde, au Grautal. » « J'irai, s'écria Tipfel. Le sac serait trop lourd pour toi. Je ferai 2 voyages. C'est à 1 lieue et demie, les chemins sont pleins de neige. Je partirai de grand matin. Je ne puis m'empêcher de donner un grand coup de coude à Rodier, qui ne soufflait mot, et de l'appeler Capon. » Il se décida alors à parler et dit avec un gros soupir. « Tipfel, j'irai avec toi s'il le faut. » Il pensait aux glissades. L'autre ne pensait qu'aux 12 sous et aux carreaux cassés. Cela faisait une fière différence entre les deux caractères. Tout cela se passait un mardi. Le mercredi, en revenant de l'école, je vis la mère Yègre qui collait une étoile de papier bleu sur le carreau fêlé pour le soutenir. Cela me fait rire de plaisir, parce que je savais qu'elle aurait le lendemain un beau carreau tout flambant neuf. Mon père, sans faire semblant de rien, prévint les parents de Tipfel et ceux de Rodier de ce qui allait se passer. Il voulait leur épargner toute inquiétude dans le cas où les garçons se feraient attendre un peu. Il eut soin aussi de donner le mot aux gardes. Le jeudi venu, le garde leur prépara des charges proportionnées à leurs forces. Néanmoins, ils étaient assez fatigués quand ils revinrent. Rodier était de mauvaise humeur. « Monsieur Rebstock, voilà les sacs, » dit Tipfel à mon père. « Mes enfants, voilà les 12 sous, vous les avez bien gagnés. Passez chez Klotz et dites-lui de venir remettre le carreau. Ensuite, vous porterez ces 2 sacs à la mère Yègre pour allumer son feu le matin et faire de bonnes flambées la nuit quand elle se lève pour son petit malade. Vous lui direz où vous êtes allé les chercher et pourquoi vous y êtes allé. Vous ajouterez que c'est seulement un échantillon et que M. Rebstock en a d'autres à son service. « Je parie, me dit mon père, quand ils furent sortis pour aller chez Klotz, je parie que tu grilles de savoir comment la mère Yègre les recevra. »« C'est vrai, lui répondis-je. Eh bien, tu les accompagneras. Mais comme il ne convient pas que tu aies l'air d'un flâneur et d'un curieux, tu porteras la pauvre bonne femme le petit sac de pommes de terre qui est là, debout entre la table et la caisse de l'horloge. » En nous voyant entrer, la mère Yègre fit une figure contrariée, ses yeux clignaient au milieu d'un réseau de petits plaies. Comme Rodier allait se mettre en avant pour parler le premier et se donner les honneurs de la chose, je le poussai sans avoir l'air de le faire exprès, et ce fut Tipfel qui expliqua l'affaire depuis le commencement jusqu'à la fin. Alors les pauvres vieilles mains de la mère Yègre se mirent à trembler, et elle dit d'un ton que je n'oublierai jamais, « Allons, allons, il y a encore du bon monde. » Rodier, profitant d'un moment où la mère Yègre lui tournait le dos, lui fit 2 ou 3 vilaines grimaces. Je ne pus m'empêcher de le redire à mon père. « Tu vois, me répondit-il, que j'avais raison de te défendre de fréquenter Rodier. Il n'a aucun regret de sa faute. On ne peut pas dire qu'il l'ait réparé, puisque le cœur n'y était pas. Il a eu peur de moi, voilà tout. Sans cela, il serait allé glisser, au lieu d'être ce pauvre Tipfel. Celui-là, c'est un bon. Des pieds à la tête. Plus tu te liras avec lui, plus tu me feras plaisir. » J'ai fait comme mon père m'avait dit, et je m'en suis bien trouvé. Tipfel est mon ami de cœur, et je m'honore de son amitié. Rodier a continué dans sa mauvaise voie. C'est un méchant homme, faux et flagorneur. Personne chez nous ne se laisse tromper à ses flagorneries. À l'époque du grand malheur, quand les pauvres Alsaciens furent forcés de se faire allemands ou de partir, Tipfel quitta tout pour rester français. Et cependant, il avait du bien là-bas, une petite propriété à laquelle il devait tenir d'autant plus qu'il avait acquise par son travail, sa bonne conduite et son intelligence. Rodier parla pas d'une petite place assez bien payée, où il n'y avait presque rien à faire, et demeurait parmi les envahisseurs. Au moment de quitter le pays, nous étions réunis plusieurs à la brasserie de l'Espérance. Quelqu'un vint à parler de Rodier et de ce qu'il avait fait. Je répondis en regardant du côté de la fenêtre où il y avait des gens attablés qui ne me plaisaient pas. Je connais mon homme. Je savais ce qu'il ferait. Je l'aurais parié d'avance. Je lui souhaite bien de la chance avec ses nouveaux amis. Qui se ressemble, s'assemble. » C'était Le carreau cassé de Jules Girardin.